Le prestige de Monsieur l'abbé Jubal. C'est le cœur gros de crainte et d'orgueil que j'entrais en huitième préparatoire. Le professeur de cette classe, Monsieur l'abbé Jubal, n'était pas bien terrible par lui-même. Il n'avait pas l'air d'un homme cruel. Il avait plutôt l'air d'une demoiselle. Mais il se tenait dans une grande chaire, haute et noire, et cela me le rendait effrayant. Il avait la voix et le regard doux, les cheveux bouclés, les mains blanches, l'âme bienveillante. Il ressemblait à un mouton, plus peut-être qu'il n'était séant à un professeur. Ma mère, l'ayant vu un jour au parloir, murmura « Il est bien jeune !» Et cela était dit d'un certain ton. Je commençai à ne plus le craindre quand je me vis contraint de l'admirer. Cela arriva pendant que je récitais ma leçon, qui consistait en des vers de l'abbé Gautier sur les premiers rois de France. Je disais chaque vers tout d'une haleine, comme s'il eût été fait d'un mot unique. Pharamond fut dit, on le premier de ces rois. Que les Francs dans la Gaule ont mis sur le pavois, Clodion prend Cambrai, puis règne Mérovée. Là, je m'arrête court et je répète, Mérovée, Mérovée, Mérovée. Cette rime, mêlant l'utile à l'agréable, me rappela que, lorsque régna Mérovée, Lutèce fut préservée. Mais de quoi? Il m'était impossible de le dire, l'ayant complètement oublié. La chose, je l'avoue, m'avait peu frappée. J'avais l'idée que Lutèce était une vieille dame. J'étais content qu'elle eût été préservée, mais ses affaires m'intéressaient en somme extrêmement peu. Malheureusement, Monsieur l'abbé Jubal semblait tenir beaucoup à ce que je disse de quel dommage elle avait été préservée. Je faisais Mérovée, j'aurais donné ma langue au chat pour peu que c'en eût été l'usage dans la classe de huitième préparatoire. Mon voisin, Fontané, se moquait de moi, et Monsieur Jubal se limait les ongles. Enfin, des fureurs d'Attila, Lutèce est préservée, me dit-il. Puisque vous aviez oublié ce vers, monsieur Nozière, il fallait le refaire au lieu de rester court. Vous pouviez dire, de l'invasion d'Attila, Lutèce est préservée. Ou bien, du sombre Attila, Lutèce est préservée. Ou, plus élégamment, du fléau de Dieu, Lutèce est préservée. On peut changer les mots pourvu qu'on respecte la mesure. J'eus un mauvais point. Mais monsieur l'abbé Jubal acquit un grand prestige à mes yeux pour sa facilité poétique. Ce prestige devait croître encore. Monsieur Jubal, que ses fonctions attachées à la grammaire de Noël et Chapsal et à l'histoire de France de l'abbé Gautier, ne négligeait pourtant pas l'enseignement moral et religieux. Un jour, je ne sais à quel propos, il prit un air grave et nous dit « Mes enfants, s'il vous fallait recevoir un ministre, vous vous empresseriez de lui faire les honneurs de votre logis comme un représentant du souverain. Eh bien, quels hommages ne devez-vous pas rendre aux prêtres qui représentent Dieu sur la terre? Autant Dieu est au-dessus des rois, autant le prêtre est au-dessus des ministres. Je n'avais jamais reçu de ministre et ne comptais pas en recevoir de longtemps. J'avais même la certitude que, s'il en venait un à la maison, ma mère m'enverrait dîner ce jour-là avec les bonnes, comme cela se pratiquait malheureusement à chaque repas de gala. Je n'en comprenais pas moins que les prêtres sont prodigieusement respectables, et faisant à monsieur Jubal l'application de cette vérité, je ressentis un grand trouble. Je me rappelais avoir en sa présence attaché un pantin de papier dans le dos de Fontané. Cela était-il respectueux? Aurais-je attaché un pantin de papier dans le dos de Fontané devant un ministre? Assurément non. Et pourtant je l'avais attaché, ce pantin, à l'insu, il est vrai, mais en la présence de monsieur l'abbé Jubal, qui est au-dessus des ministres. Même il tirait la langue, le pantin. Mon âme était éclairée. Je vécus bourrelé de remords. Ma résolution fut d'honorer monsieur l'abbé Jubal, et s'il m'arriva depuis de fourrer des petits cailloux dans le cou de Fontané pendant la classe, et de dessiner des bonshommes sur la chair même de l'abbé Jubal, je le fis du moins avec la satisfaction de connaître toute l'étendue de ma faute. Il me fut donné, à quelque temps de là, de mesurer la grandeur spirituelle de monsieur l'abbé Jubal. J'étais dans la chapelle, attendant avec deux ou trois camarades mon tour de me confesser. Le jour baissé, la lueur de la lampe perpétuelle faisait trembler les étoiles d'or de la voûte assombrie. Au fond du cœur, la Vierge peinte s'effaçait dans le vague d'une apparition. L'autel était chargé de vases dorés, pleins de fleurs. Une odeur d'encens flottait dans l'air. On entrevoyait confusément mille choses, et l'ennui, l'ennui même, ce grand mal des enfants, prenait une teinte douce dans l'atmosphère de cette chapelle. Il me semblait que du côté de l'autel, elle touchait au paradis. Le jour était tombé. Tout à coup, je vis monsieur l'abbé Jubal s'avancer avec une lanterne jusqu'au cœur. Il fit une génuflexion profonde, puis, ouvrant la grille, il monta les degrés de l'autel. Je l'observai. Il défit un paquet d'où sortirent des guirlandes de fleurs artificielles qui ressemblaient à ces tirses de cerises qu'au mois de juillet, deux vieilles femmes nous vendaient dans les rues. Et je m'émerveillai de voir mon professeur s'approcher de l'Immaculée Conception. Vous mîtes une pincée de pointe dans votre bouche, monsieur l'abbé. Je craignis d'abord que ce ne fût pour les avaler, mais c'était pour les tenir à portée de votre main, car vous montâtes sur un escabeau et vous commençâtes à clouer les guirlandes autour de la niche de la Sainte Vierge. Mais vous descendiez de temps en temps de votre escabeau pour juger à distance de l'effet de votre ouvrage, et vous en étiez content. Vos joues étaient rouges, votre œil était clair, vous eussiez souri sans les pointes que vous teniez entre vos dents. Et moi, je vous admirais de tout mon cœur. Et bien que la lanterne qui était à terre vous éclaira les narines d'une façon comique, je vous trouvais très beau. Je compris que vous étiez au-dessus des ministres, comme vous nous l'aviez insinué dans un discours habile. Je pensais que monter tout empanaché sur un cheval blanc pour gagner une bataille n'était pas une chose aussi belle et désirable que de suspendre des guirlandes au mur d'une chapelle. Je connus que ma vocation était de vous imiter. Je vous imitai dès le soir même à la maison, en découpant avec les ciseaux de ma mère tout le papier que je pus trouver et dont je fis des guirlandes. Mais devoir en souffrir, mon exercice français en souffrit notamment dans des proportions considérables. C'était un exercice d'après le manuel de M. Cocampo, dont le livre était un livre cruel. Je n'ai point de rancune, et si cet auteur avait eu un nom moins mémorable, je l'aurais généreusement oublié. Mais on n'oublie pas Cocampo. Je ne veux pas abuser contre lui de cette circonstance fortuite. Pourtant, qu'il me soit permis de m'étonner qu'il faille faire des exercices si douloureux pour apprendre une langue qu'on nomme maternelle et que ma mère m'apprenait fort bien, seulement en causant devant moi, car elle parlait à ravir ma mère. Monsieur l'abbé Jubal était pénétré de l'utilité de Cocampo. Et comme il ne pouvait entrer dans mes raisons, il me donna un mauvais point. L'année scolaire s'acheva sans incident notable. Fontanet se mit à élever des chenilles dans son pupitre. Alors j'en élevai aussi par amour-propre, bien qu'elles me fissent horreur. Fontanet haïssait Cocampo. Cette haine nous réunit. Au seul nom de Cocampo, nous échangions sur nos bancs des regards d'intelligence et des grimaces expressives. Cela nous vengeait. Fontanet me confia que si l'on faisait encore du Cocampo en huitième, il s'engageait comme mousse sur un grand navire. Cette résolution me plut, et je promis à Fontanet de m'engager avec lui. Nous nous jurâmes amitié. Le jour de la distribution des prix, nous étions méconnaissables, Fontanet et moi. Cela tenait sans doute à ce que nous étions peignés. Nos vestes neuves, nos pantalons blancs, l'attente de Coutil, l'affluence des parents, l'estrade ornée de drapeaux, tout cela m'inspirait l'émotion des grands spectacles. Les livres et les couronnes formaient un amas éclatant dans lequel je cherchais anxieusement à deviner ma part, et je frissonnais sur mon banc. Mais Fontanet, plus sage, n'interrogeait pas la destinée. Il gardait un calme admirable. Tournant dans tous les sens sa petite tête de furet, il remarquait les nédiformes des pères et les chapeaux ridicules des mères avec une présence d'esprit dont j'étais incapable. La musique éclata. Le directeur, ayant sur sa soutane le petit manteau de cérémonie, parut sur l'estrade aux côtés d'un général en grand uniforme et à la tête des professeurs. Je les reconnus tous. Ils prirent place, selon leur rang, derrière le général. D'abord, le sous-directeur, puis les professeurs des hautes classes, puis M. Schubert, professeur de Solvège, M. Trouillon, professeur d'écriture, et le sergent Morin, professeur de gymnastique. M. l'abbé Juval parut le dernier et s'assit tout au fond sur un pauvre petit tabouret qui, faute de place, ne posait que de 3 pieds sur l'estrade et crevait la toile avec le quatrième. Encore, M. l'abbé Jubal ne put-il garder longtemps cette humble place. Des nouveaux venus le refoulèrent dans un coin, où il disparut sous un drapeau. On mit une table sur lui, et ce fut tout. Fontanet s'amusa beaucoup de cette suppression. Pour moi, j'étais confus qu'on laissât ainsi dans un coin, comme une canne ou un parapluie, une personne qui excellait dans les fleurs et la poésie et représentait Dieu sur la terre. La casquette de Fontanet. Chaque samedi, on nous menait à confesse. Si quelqu'un peut me dire pourquoi, il me fera plaisir. Cette pratique m'inspirait beaucoup de respect et d'ennui. Je ne crois pas que M. l'aumônier prît un véritable intérêt à entendre mes péchés, mais il m'était certainement désagréable de les lui dire. La première difficulté était de les trouver. Vous me croirez peut-être, si je vous déclare qu'à 10 ans, je ne possédais pas les qualités psychiques et les méthodes d'analyse qui m'eussent permis d'explorer rationnellement ma conscience interne. Pourtant, il fallait avoir des péchés, car point de péché, point de confession. On m'avait donné, il est vrai, un petit livre qui les contenait tous. Je n'avais qu'à choisir. Mais le choix même était difficile. Il y en avait là tant et de si obscurs sur le larcin, la simonie, la prévarication, la fornication et la concupiscence. Je trouvais dans ce petit livre « Je m'accuse d'avoir désespéré. Je m'accuse d'avoir entendu de mauvaises conversations. » Cela encore ne laissait pas de m'embarrasser beaucoup. C'est pourquoi je m'en tenais d'ordinaire au chapitre des distractions. Distraction à l'office, distraction pendant les repas, distraction dans les assemblées. J'avouais tout et le vide déplorable de ma conscience m'inspirait une grande honte. J'étais humiliée de n'avoir pas de péché. Un jour, enfin, je songeais à la casquette de Fontanet. Je tenais mon péché. J'étais sauvée. À compter de ce jour, je me déchargeais chaque samedi, au pied de M. l'aumônier, du poids de la casquette de Fontanet. Par la façon dont j'endommageais en elle le bien du prochain, cette casquette m'inspirait, chaque samedi, pendant quelques minutes, de vives inquiétudes sur le salut de mon âme. Je la remplissais de sable, je la jetais dans les arbres d'où il fallait l'attraper, d'où il fallait l'abattre à coups de pierre comme un fruit avant sa maturité. J'en faisais un chiffon pour effacer les figures à la craie sur le tableau noir. Je la jetais par un soupirail dans des caves inaccessibles. Et, lorsqu'au sortir de la classe, l'ingénieux Fontanet parvenait à la retrouver, ce n'était plus qu'un lambeau sordide. Mais une fée veillait sur sa destinée, car elle reparaissait le lendemain matin sur la tête de Fontanet avec l'aspect imprévu d'une casquette propre, honnête, presque élégante. Et cela tous les jours. Cette fée était la sœur aînée de Fontanet. À ce seul trait, on peut l'estimer bonne ménagère. Plus d'une fois, tandis que je m'agenouillais au pied du sacré tribunal, la casquette de fontanée plongée de mon fait au fond du bassin de la cour d'honneur. Il y avait alors dans ma situation quelque chose de délicat. Et quel sentiment m'animait contre cette casquette? La vengeance? Fontanée me persécutait à cause d'une gibecière de forme antique et bizarre que mon oncle, homme économe, m'avait donnée pour mon malheur. Elle était beaucoup trop grande pour moi et j'étais beaucoup trop petit pour elle. De plus, cette gibecière ne ressemblait pas à une gibecière, par la raison que ce n'en était pas une. C'était un vieux portefeuille qui se tirait comme un accordéon et auquel le cordonnier de mon oncle avait mis une courroie. Ce portefeuille m'était odieux, non sans raison, mais je ne crois pas aujourd'hui qu'il fût assez laid pour mériter les indignités qu'on lui fit. Il était de maroquin rouge, à large dentelle d'or, et portait au-dessus d'une serrure de cuivre une couronne et des armoiries lacérées. Une soie passée, qui avait été bleue, le tapissait intérieurement. S'il existait encore, avec quelle attention je l'examinerais, car, à me rappeler la couronne, qui devait être une couronne royale, et l'écu sur lequel on voyait encore, à moins que je ne l'aie rêvé, trois fleurs de lys, mal effacées à coups de canif, je soupçonne aujourd'hui ce portefeuille d'avoir été à l'origine le portefeuille d'un ministre de Louis XVI. Mais Fontanet, qui ne le considérait point dans son passé, ne pouvait me le voir au dos sans y jeter des boules de neige et des marrons d'Inde selon la saison et des balles élastiques toute l'année. Dans le fait, mes camarades et Fontanet lui-même n'avaient qu'un seul grief contre ma gibecière, son étrangeté. Elle n'était pas comme les autres, de là tous les maux qu'elle m'a causés. Les enfants ont un sentiment brutal de l'égalité. Ils ne souffrent rien de distinct ni d'original. C'est ce caractère que mon oncle n'avait pas assez observé quand il me fit son pernicieux présent. La gibecière de Fontanet était affreuse. Ses deux frères aînés, l'ayant traînée tour à tour sur les bancs du lycée, elle ne pouvait plus être salie. Le cuir en était tout écorché et crevé. Les boucles disparues étaient remplacées par des ficelles. Mais comme elle n'avait rien d'extraordinaire, Fontanet n'en éprouva jamais de désagrément. Et moi, quand j'entrai dans la cour de la pension, mon portefeuille au dos, j'étais immédiatement assourdi par des huées, entouré, bousculé, renversé à plat ventre. Fontanet appelait cela me faire faire la tortue, et il montait sur ma carapace. Il n'était pas bien lourd, mais j'étais humilié. Aussitôt remis debout, je sautai sur sa casquette. Sa casquette était toujours neuve, et ma gibecière indestructible, hélas. Et nos violences s'enchaînaient par une inexorable fatalité, comme les crimes de l'antique maison des Atrides.